Bon réveil sur Fun, soyez les bienvenus, il est 6h12. Milo, c'est ce que je vous balance dans quelques petites secondes pour bien démarrer la journée. Juste avant, comment ça va bien Coralie pour bien démarrer cette journée de jeudi? Ça va super bien et toi? Le week-end se rapproche à grands pas, oui. Bientôt les barbecues, les sorties entre amis, les petits shorts, les cocktails à la main. Tout ça c'est ce qu'on vous réserve évidemment pour ce week-end. Juste avant Coralie, on va saluer évidemment toute l'équipe qui est au rendez-vous, Benjamin aux infos, Étienne à la réalisation et puis vous qui êtes de l'autre côté de la radio qui, comme chaque jour, nous fait un plaisir de nous suivre entre 6h et 9h. Coralie, comme chaque jour, on commence avec la première chose pour bien démarrer la journée, c'est l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Nous sommes le jeudi 18 août 2016, Coralie. Et nous sommes le 31e jour de l'année, fin de la 33e semaine déjà. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Hélène, à Laetitia et à Mylène. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars également sont nées ce jeudi 18 août. Le chanteur Mickey est né aujourd'hui. Ou encore Edward Norton qui a joué dans American History X ainsi que l'incroyable Hulk. Ainsi que Daniela Lumbroso qui est une animatrice télé et radio. On parle des meilleurs cocktails de l'été. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me faire un petit cocktail là comme ça pour profiter du soleil. Vous avez des bons plans, vous avez des conseils, vous avez des coups de cœur à partager avec nous. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. On en parle juste après Milo à 6h13 sur Fun Radio. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Ah-hoo, howling at the moon. Ah-hoo, howling at the moon. Where is the summertime? Take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? A dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there? Sur Fun Radio, Ariana Grande, Into You, c'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes. Et ça arrive après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et comme chaque jour, Coralie, tu vas consulter les astres pour nous. Allons-nous avoir des bonnes nouvelles côté de l'amour? C'est ce que nous allons découvrir avec les béliers. Écoutez ce que votre corps a besoin et concrétisez vos envies. Les taureaux. Jouez les papillons, sautez de fleur en fleur sans vous poser de questions. Les gémeaux. Rien ne pourra vous faire changer d'avis. De toute façon, votre ego vous mettra en valeur. On passe au cancer. Épargnez à votre partenaire votre susceptibilité. Il n'aime pas du tout ça. Les lions à présent. Votre cœur et votre corps fondront comme miel au soleil ce week-end. Les vierges. La personne de votre désir n'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Le problème, c'est que ça vous gâche un peu la vie. Les balances. Votre tendance à vous braquer pourrait faire basculer l'ambiance du mauvais côté. Les scorpions. Ne sous-estimez aucun adversaire et essayez de le convaincre plutôt que de le tyranniser. Allez, que se passe-t-il pour les sagittaires? Vous êtes appelé à la fête, au plaisir de la table, à la bonne humeur et à la bonne compagnie. Votre week-end commence ce soir. Les capricornes à présent. Vous vous sentez comme un poisson dans l'eau puisque votre compagnie plaît. Les Verseaux. Pas besoin de concrétiser quoi que ce soit, vous vous amuserez avec tout, n'importe quoi et n'importe qui. Et on termine avec les poissons. C'est exactement le moment pour prouver de quoi vous êtes capable. On vous offre vos places pour aller tester le wave karting sur la mer du Nord. Comment les remporter, c'est ce que je vous explique dans quelques secondes. Et juste avant, c'est Lost Frequencies qui arrive ainsi que Ariana Grande et Into You à 6h18. Sur Fun Radio, bon réveil. On démarre tout doucement ensemble la journée avec Lost Frequencies et Beautiful Life dans quelques petites secondes. Le temps pour nous, Coralie, de vous offrir des places pour partir tout droit direction la mer du Nord. Vous pourrez nous accompagner pour venir faire du wave karting. Pour ça, c'est très simple, je suis envoyé mer par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Mais c'est quoi le wave karting? Mais si voilà, vous ne connaissez pas. Avant toute chose, le wave karting, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un bateau à grande vitesse qui monte à plus de 60 km/h que vous pourrez conduire vous-même, c'est le plus important. Vous avez un max de sensations qui vous seront offertes. Et en plus de ça, vous serez accompagné de toute l'équipe de Fun. Et ça, c'est la classe. C'est pas un beau cadeau quand même. C'est quand même le deuxième cadeau, c'est que toute l'équipe de tarés, tous les tarés de Fun Radio seront avec vous pour faire la fête, évidemment, vu que c'est un peu le slogan de notre, notre radio, c'est qu'on fasse la fête tous ensemble. Et ça sera à la fin du mois, direction la mer du Nord. Comment ça se passe pour s'inscrire, on le rappelle? Et vous envoyez mer par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et en plus de ça, on offre deux fois deux entrées. On a donc deux gagnants à prendre lors de chaque émission, donc deux fois plus de chances pour vous, évidemment, d'être tiré au sort. Toutes les infos vidéo également, parce qu'on a fait des petites vidéos quand on a été sur place en début du mois, Coralie, à retrouver sur funradio.be. Bonne chance! Tu veux voir ce Willemans? Moi j'ai aucune confiance dans ces saucisses! Ah bon? Elles ont quand même l'air bonnes? Ouais, non, elles cachent quelque chose, mais je... Enfin! Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill! Ah oui! J'ouvre déjà la sauce samouraï! Oui! La samouraï qui fait parler d'elle? La voilà! De vos Willemans! Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fun Radio. Fun Radio. International et la connexion. Chris Gab. Youssoufa est dans la maison. Deva. Vibra da Big Nam. Les filles, faites bouger la fête. Et la tête de tous les garçons. J'ai dit faites bouger la fête. Faites bouger la fête. Et la tête de tous les garçons. But the night went on way too long. I just don't remember. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. More like 13 months. You know that girl really turned me on. Et ça fait bim bada bim, bim bada bim. Summer Fun. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Salut, c'est Lost Frequencies. Beautiful Life. Tous mes nouveaux titres, vous les découvrez en premier sur Fun Radio. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. No, no, you wanna go. I follow. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful. Keisha et Cachemire, c'est ce que je vous cale côté son dance floor dans un instant. Fun. Et juste avant, il est 6h29, on s'informe en ce jeudi 18 août 2016 avec Benjamin Verporten. Bonjour Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les étudiants en médecine en cours d'études ne savent pas s'ils pourront exercer leur métier. Ils sont tabous et le font savoir. Un sit-in est prévu devant le cabinet de Maggie Debloc à l'occasion d'une rencontre entre la ministre fédérale de la Santé publique et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt. Les représentants des étudiants veulent être reçus par la ministre fédérale parmi leurs revendications, l'obtention de numéro INAMI supplémentaire. Et le débat autour du burkini a dépassé les frontières françaises et s'est invité dans l'arène politique belge. Actuellement, ce maillot est interdit dans la plupart des piscines communales du pays, mais autorisé à la côte belge, mais cela pourrait toutefois changer. À la NVA, on voudrait interdire le port du burkini sur les plages et de manière générale partout en Belgique. D'autres partis se sont exprimés. Le CDNV n'est pas favorable à une interdiction généralisée, alors que le CDH et le PS considèrent qu'il y a d'autres dossiers plus importants. C'est la rentrée pour les ministres wallons. Aujourd'hui aura lieu le premier conseil des ministres à Namur, au programme deux gros chantiers, le budget et la réforme des allocations familiales. Les ministres souhaitent boucler ces dossiers pour l'automne. En France, 8 personnes ont été gravement blessées hier dans un accident de train à l'est de Montpellier. Le train circulant à 140 km/h a percuté un arbre tombé sur la voie suite aux violents orages survenus dans la région les derniers jours. Le train transportait 219 passagers entre Nîmes et Montpellier et l'un des blessés est dans un état critique. On entame notre page sport avec les Jeux Olympiques où les Belges n'ont pas brillé hier. Hans Zagré n'est pas parvenu à se hisser en finale du 200 mètres haies. Plus tôt dans la journée, Mohamed Kedbi échoue au premier tour en taekwondo et quittait la compétition. Une déception pour le numéro 8 mondial qui visait une médaille. On notera par contre la belle performance de Thomas Van der Platsen en décathlon. Le Belge est actuellement 11e après 5 des dimanches prévus. Et ce soir, on suivra avec attention la finale de hockey où nos Red Lions affronteront l'Argentine pour une possible nouvelle médaille d'or. Et enfin, on termine avec du football et les matchs allés de barrage de l'Europa League. La Gantoise affrontera ce soir les Macédoniens du FC Skendija. Le FC Genk affrontera lui le Lokomotiv à Zagreb. Et enfin, plus tôt dans la soirée, Anderlecht se déplacera au Slavia Prague. Fun. Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est le duo Deoro et Elvis Crespo qui arrive. On sera un petit plaisir avec Keisha et Dayong, ainsi que Cashmere et Wildcard. Et juste avant, côté météo, est-ce que le soleil sera de la partie aujourd'hui, Benjamin? Eh bien, il sera de la partie, mais il va tout doucement disparaître. Donc la journée débutera sous un temps assez ensoleillé, mais les nuages feront progressivement leur apparition en cours de journée, ce qui pourrait conduire à une averse orageuse, principalement en Ardennes. En pleine, le temps restera sec en de nombreux endroits, et en soirée, le risque d'averse diminuera progressivement. Les maxima se situeront entre 22 et 26 degrés. Prochaines infos à 7h, tout de suite, Enrique Iglesias sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te fait. Il est 6h35, merci de vous réveiller avec Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est Cashmere et Wildcard que je vous balance. Juste avant, je vous propose de partir direction la plage Hawaï et les palmiers, Coralie, parce qu'on va parler cocktail aujourd'hui. Ah. Pendant l'été, on a tous envie de se détendre, de s'amuser, de passer un excellent moment entre amis, ou alors avec copains, copines, etc. Est-ce que toi, tu as un cocktail de l'été, un cocktail préféré que tu as envie de partager avec nous ce matin? Ah, moi j'adore le Sex on the Beach. Le Sex on the Beach, c'est un truc super connu. Il est à base de quoi encore, rappelle-nous? Grenadine? Oui, il y a de la grenadine, il y a du jus d'orange. L'alcool par contre je sais plus ce que c'est dedans et je retrouve plus ma feuille, donc voilà, je vais vous dire ça juste après, mais ouais, c'est mon cocktail préféré en tout cas. C'est ton cocktail préféré. On va faire un peu le tour de l'équipe hein, d'ailleurs, pour savoir quels sont vos cocktails préférés. On va faire ça jusqu'à 9h. Puis si vous aussi vous avez envie de partager avec nous et bien votre cocktail préféré, quel serait le cocktail que vous nous conseillerez pour passer un excellent moment durant l'été, et bien je vous conseille de nous envoyer dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes SMS, ou encore via la page Facebook de l'émission. Hier j'ai testé pour vous, je peux pas J'ai piscine, ce tout nouveau concept de soirée plutôt original qui se passe à Bruxelles. Je vous explique comment ça se passe, comment c'est, où c'est, etc. dans quelques petites secondes. Juste avant, c'est Cashmere et Wildcard sans fun à 6h36. Excellent réveil à vous. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? radio de vos vacances. La radio de vos vacances. La radio de vos vacances. This is fun radio. I hear your heart beat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of the night like we're gonna die young. Who's watching when we tearing it up? You know that magic that we got, nobody can touch. So looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Dans quelques petites secondes, c'est le duo D'Oro et Elvis Crespo Bailar que je vous balance sur Fun Radio. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant, on fait un point sur vos conditions de circulation de ce matin. Benjamin, que se passe-t-il sur nos routes à 6h43? Eh bien, on nous signalait deux accidents ce matin. Le premier sur la E40 Bruxelles-Gand à hauteur de Herpemer en direction de Ostende. Et le second sur la E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Marcovelette en direction de Namur. Mais dans les deux cas, la situation est rétablie. Soyez prudents malgré tout, on ne sait jamais. Vous aussi, évidemment, soyez prudents. Vous apercevez un objet encombrant, un ralentissement ou un accident. Faites-le nous savoir dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. C'est ça aussi, Coralie. Hein, la fun solidarité, c'est qu'on puisse prévenir toute la fun famille de ce qui se passe sur la route le matin. On parle avec toi. Eh bien, du film Le Correspondant, puisqu'on vous offre des places pour aller voir l'avant-première qui aura lieu le 23 août prochain. Et oui, vous pourrez en plus rencontrer Jimmy Labeu qui sera présent juste après la projection du film. Ça va se passer à l'UGC Toison d'Or. Et pour repartir avec vos entrées, il vous suffit d'envoyer ciné dès maintenant par SMS au 6322 et vous serez directement averti par message et vous remporter ou non vos places. Jimmy Labeu, on en est très fiers parce qu'en plus, c'est jeune qui vient de la région du centre, dans le Hainaut, du côté de la Louvière. Il a donc grandi chez nous. Il est monté crescendo en faisant des petites vidéos sur Facebook, sur YouTube. Il a été découvert comme ça. Il a été stagiaire ici sur Fun Radio également. Et puis ici, il se retrouve à l'affiche d'une comédie française

Et c'était le tout nouveau Justin Bieber en collaboration avec les Major Lazer et Mo. À 6h57, c'est Face et Afrojack que je vous cale dans un instant. Et puis le Sun and Floor, ça continue sur Fun avec dans quelques petites secondes également le DJ Snake. Donc c'est ce que je vois cale dans un instant. Le temps de parler des cocktails de l'été, car oui Coralis, aujourd'hui on va partir direction la plage, direction Hawaï, direction les vacances. J'adore. Puisque bah, nous aussi dans l'équipe on adore tout ce qui est cocktail, on a envie de se faire plaisir tous les jours. Et aujourd'hui on vous a demandé quel était le cocktail, quel serait le cocktail que vous nous conseillez pour passer un excellent moment au bord de la plage. On a eu quelques petites réactions on sur Facebook. Plein de réactions. Alors on nous dit le pina colada, le cosmopolitan, oui. Le daiquiri, le caipirana, je sais pas si je le prononce bien. La caipirana. Ah, bon, voilà. Caipirana, le Bloody Mary, le 602 Beach qui revient, le Manhattan, le Blue Lagoon. C'est avec du curaçao, ça, non? Oui, c'est avec du curaçao, il me semble. Il y a aussi, non, le Spritz, le Americano, le Russe Blanc. C'est pas avec du lait ou quelque chose comme ça? Du Russe Blanc, je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, sinon, on nous dit aussi le jeans, le, ouais, du jean Fizz. Jamais entendu parler, je connais pas du tout. Le jean Fizz, c'est une boisson, je pense, le jean Fizz. Oui, bah oui, merci, on va prendre le cocktail. T'es sérieux? Oui, et sinon, on nous a carrément envoyé une recette pour des cocktails. Bonne pour chose. Le Blue Hawaiian. Et on nous dit, alors, pour faire ce Blue Hawaiian, il vous faut 4 centilitres de rhum blanc, 2 centilitres de curaçao, 8 centilitres de jus d'ananas et 4 centilitres de lait de coco. Vous mélangez le tout dans un shaker avec des glaçons et une petite paille, c'est parfait pour boire en terrasse. Ça c'est sûr, et vous aussi chez vous, vous allez pouvoir boire votre petit cocktail aujourd'hui, les doigts de pied en éventail sur votre terrasse. Coralie, hier pour vous, nous avons testé le concept Je peux pas, j'ai piscine. Ça se passe à Bruxelles, à l'hôtel Gem Hotel. C'est un tout nouvel hôtel qui se trouve à la chaussée de Charleroi 132 à Saint-Gilles. Et franchement, c'est l'endroit incontournable où aller cet été. C'est super beau, le cadre est vraiment magnifique, c'est super classe. On s'y sent à l'aise, c'est vraiment un super bel endroit. En plus, les gens sont vraiment sympas. Et qu'on veut passer clairement une petite soirée avec des amis ou quoi, c'est vraiment un endroit qui est super bien. Parce qu'on est posé, on peut discuter. J'ai adoré, moi. Et c'est une idée d'afterwork, donc c'est ouvert entre 16h et 22h. Vous allez pouvoir là aussi découvrir des petits cocktails, du vin, du champagne. Et dans les cocktails, notamment, il y en a un qu'on a beaucoup apprécié hier, c'est le gin tonic un peu modifié. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dedans, on va retrouver un morceau de concombre, du citron, du poivre rose en grains et aussi des baies de genévrier. Et franchement, le tout ensemble, c'est vraiment un carton. Alors, dans cet hôtel et dans cette idée de rooftop, vous allez pouvoir retrouver des cocktails, de la musique et surtout une piscine, d'où son nom, la piscine qui orne bien la terrasse dans laquelle vous allez pouvoir aussi profiter de votre cocktail. Donc le principe, vous venez avec votre maillot et vous allez pouvoir boire votre petit cocktail ou votre petit verre dans la piscine, mais également dans les chambres de l'hôtel, puisqu'une partie de l'hôtel est ouverte au public de la soirée pour pouvoir se poser dans la chambre, qui sont d'ailleurs super sympas. Le design est franchement carton. On vous recommande d'y aller. Ça se passera mercredi prochain. Toutes les infos dès maintenant sur Facebook, sur la page Je peux pas, j'ai piscine. Dans quelques instants, on parle Sun and Floor, puisque oui, c'est le meilleur de Sun and Floor qui continue jusqu'à 9h avec Backer Matt dans quelques instants. On aura également Justin Timberlake ainsi que DJ Snake. Et tout ça, et bien en plus, vous le savez, ça arrive juste après ça. Fun Radio. Fun. Il est 7h sur Fun Radio. Bon réveil. On s'informe en ce jeudi 18 août 2016 avec le seul unique Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le débat autour du burkini a dépassé les frontières françaises et s'est invité dans l'arène politique belge. Actuellement, ce maillot est interdit dans la plupart des piscines communales du pays, mais autorisé à la côte. Cela pourrait toutefois changer. À la N-V1, on voudrait interdire le port du burkini sur les plages et de manière générale partout en Belgique. D'autres partis se sont exprimés. Le CDNV n'est pas favorable à une interdiction généralisé, alors que le CDH et le PS considèrent qu'il y a d'autres dossiers plus importants. Le niveau d'alerte en Belgique est de 3 sur une échelle de 4. Mais comment l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, évalue-t-il notre niveau d'alerte? Eh bien, c'est très simple. Il analyse d'une part la vraisemblance de la menace envers des personnes, des événements ou des intérêts sur une échelle de 2 à 6, ainsi que la gravité de cette même menace sur une échelle de 1 à 5. Les scores sont additionnés et le résultat de 3 à 11 correspond à un niveau proprement dit de la menace. Concernant la menace émanant des personnes, le même procédé est suivi avec des matrices évaluant la capacité et l'intention des individus pour obtenir un score compris entre 2 et 8. Ce score correspond à un des 4 niveaux de la menace. Le modèle mathématique est complété par des commentaires d'experts. Le niveau reste flexible et peut varier pendant un même événement.

Vous écoutez Fun Radio et nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec Summer Fun et le meilleur de Sun and Floor qui continue dans quelques secondes d'ailleurs avec DJ Snake et Talk. Pour dire de bien se réveiller en ce jeudi 18 août 2016, Coralie. Oui, 231e jour de l'année et fin de la 33e semaine déjà. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Hélène, à Laetitia et à Mylène. Bonne fête à vous les amis si vous nous écoutez ce matin. Et puis Coralie, des people, des stars sont également nés ce 18 août. Mika est né le 18 août ainsi que Edward Norton qui a joué dans American History X ainsi que dans L'Incroyable Hulk. Et c'est aussi l'anniversaire de Daniela Lumbroso qui est une animatrice télé et radio en France. Vous avez envie qu'on souhaite l'anniversaire d'un pote, comment ça se passe à l'antenne? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Donc, et on vous rappelle juste après. Voici DJ Snake sur Fun à 7h07. 7h14 sur Fun, soyez les bienvenus. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée qu'écouter Fun Radio avec, dans quelques petites secondes, Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling. Le temps pour nous parler de Fabien Feuillage-Coralie. Franchement, c'est notre coup de cœur de l'année. C'est un humoriste qui cartonne. On le kiffe. Il appelle des particuliers. Il essaye de les énerver au possible. Et il y arrive super bien en plus. Et aujourd'hui, il appelle le bar chez Tonton. Écoutez. Fabien Feuillage. Tonton, bonjour. Ouais, salut Tonton. C'est Fabien au téléphone, ça va? Ouais. Dis-moi Tonton, est-ce que t'as moyen de passer me prendre pour revenir au ping-pong cet après-midi? C'est qui là? Tonton, c'est moi, c'est Fabien. Non, je vois pas. La séquence complète de notre ami Fabien Feuillage sera à découvrir aux alentours de 7h40 dans quelques instants. C'est le clubbuzz du jour, Coralie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'une youtubeuse dont on avait déjà justement parlé dans le clubbuzz qui avait comporté qu'il s'était fait kidnapper. Mais on a la suite de l'histoire aujourd'hui. Eh bien, on va savoir tout ça dans quelques instants. Le clubbuzz, c'est donc une info web, une info média, une info buzz qui a buzzé sur le web hier. On va en parler dans quelques instants. On aura également l'anniversaire de jour. Comment ça se passe si on va s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et on vous rappelle juste après ça, à tout de suite. Ça fait 2 mois qu'on ne les a plus vus. Ils seront de retour le 22 août. Enfin, s'ils se souviennent de l'adresse de la radio. Allez, tourne à gauche, Fab. Fab, à gauche. À gauche, Fab. Ah, ou en fait, fallait peut-être aller à droite. La Happy Hour sur Fun Radio. Moi, je fais toujours attention à l'origine de mes produits. Eh bien, nous, on fait pareil avec nos tomates en grappe. On a monté la filière qualité Carrefour avec des producteurs sélectionnés. Enfin, on a monté une filière, mais on a surtout baissé les prix, monsieur Marc. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos magnifiques tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 99 cents le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Fun Radio. Fun. Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. You when you Bon réveil, Star Fun Radio, quel plaisir de démarrer la journée à vos côtés avec donc quelques petites secondes, cheat code et sexe côté Star Dance Floor. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui Coralie, l'info qui a buzzé sur le web hier, c'est la suite d'une histoire déjà entamée ici à l'antenne. Exactement, on va parler de la youtubeuse Marina Joyce, qui est une youtubeuse anglaise de 19 ans qui avait déjà fait le buzz fin juillet justement, parce qu'on pensait que tous ses fans pensaient qu'elle s'était fait kidnapper car elle n'était plus présente sur les réseaux sociaux. Elle était un peu bizarre sur ses vidéos, elle apparaissait avec quelques bleus. Donc ses fans ont pris peur et on pensait qu'elle s'était fait kidnapper. Et on a la suite de cette histoire en fait. Alors. Le dimanche 7 août, donc il y a vraiment peu de temps. Il y a 10 jours. Voilà. Marina a encore publié sur sa page Facebook un texte qui disait encore sans sens qu'elle voulait devenir une déesse et qu'elle voulait qu'on l'appelle donc Marina la déesse. Désormais, c'était comme ça qu'on devait l'appeler et pas autrement. Et elle affirme avoir découvert plusieurs secrets sur la vie après la mort et elle demande de l'argent à ses fans pour construire un temple au Pérou. Elle s'est simplement cognée la tête contre un mur, c'est pas possible. Je ne sais pas, elle pense être dotée d'une connexion magique avec les esprits. Elle se considère un peu comme la seule personne à pouvoir sauver le monde de tous les problèmes qui peut produire. Et elle dit, quand je serai morte, je pourrai communiquer avec les gens par l'esprit et faire apparaître ce que je choisis par la magie. Ceci est mon testament, je veux que je reste sur Terre pour toujours. Donc ça c'est la vraie version pour laquelle elle va pas très bien pour le moment. Mais on se pose des questions, en tout cas c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens se demandent si elle souffre pas de problèmes psychologiques, si elle a besoin d'aide ou quoi. Mais pourtant sa mère, elle dit que tout va bien dans sa vie, qu'elle a rien du tout, que c'est pas du tout un canular et que ni elle ni sa fille seraient capables de faire ça. Bah, ce serait un peu délicat quand même quand t'es un personnage public de commencer à rire en disant que t'es un pété de la tête et que tu crois aux esprits ou que je sais pas, c'est un peu spécial. Bah, en tout cas, elle est à fond là-dedans, elle fait des vidéos sur le sujet, elle en parle dans chacune, comme encore une qu'elle a postée ici hier justement. Et c'est peut-être ça encore que cette histoire a débuté. Et bien en tout cas, affaire à suivre, donc troisième volet de Marina qui sera à suivre peut-être la semaine suivante. Merci beaucoup Coralie, c'était le Club Buzz du jour. Dans quelques secondes, c'est le Carolo Kid Noise qui arrive sur Fun Radio, ainsi que Cheat Code et Sex, et c'est juste après ça. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. Comment bien manger quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges, super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines Claude bien sucrées. Et les présidents, idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien manger. Fun Radio. Fun Radio. Le son de Dance Floor. Jusqu'à 9h,

Vous êtes sur la route du boulot, sur la route des vacances. Vous écoutez Fun Radio, il est 7h40 dans quelques secondes. Willy William, Paris, c'est ce que je vous cale côté sur Dance Floor. Juste avant ça, on accueille notre ami Fabien Feuillèche qui aura lissé un humoriste qui vient nous faire rire tous les matins. Le principe très simple, il décroche son téléphone, il appelle des inconnus pour nous offrir des moments de colère exceptionnels et très drôles. Aujourd'hui, il appelle un bar qui s'appelle Chez Tonton. Fabien Feuillèche. Tonton, bonjour. Ouais, salut Tonton, c'est Fabien au téléphone, ça va? Ouais. Dis-moi Tonton, est-ce que t'as moyen de passer me prendre pour revenir au ping-pong cet après-midi? Qui, là? Tonton, c'est moi, c'est Fabien. Je vois pas. Bah. Un tonton Fabien, je connais pas. Mais non, c'est pas tonton Fabien, c'est toi, tonton. Puisque j'appelle, tu dis c'est tonton. Donc moi, je te dis si c'est tonton, c'est Fabien. C'est encore une connerie, là. Oh, je comprends rien. Il est fou, le gamin, là. Allô? Tonton, bonjour. Coucou, tonton, c'est encore Fabien, ton neveu. Putain, mais t'es con ou quoi? J'étais à un bar ici, là. Non, mais je sais, tonton, mais dis-moi, est-ce que t'as moyen de m'emmener au judo, là, tout à l'heure, à 17h30? Mais tu comprends pas, ici, t'es dans un bar. Ouais. Pas chez ton tonton. Je suis chez le bar de mon tonton, c'est ça? C'est le bar tonton, mais c'est pas ton tonton. Donc c'est ton tonton, mais c'est pas ton tonton. Ouais, c'est tonton pour boire un coup, mais pas tonton pour t'offrir des cadeaux. D'accord. Donc là, au téléphone, c'est tonton ou c'est pas tonton? C'est tonton, le bistrot. C'est tonton Gérard ou c'est tonton Michel? Oh putain. Tonton, bonjour. Coucou, mon tonton préféré, là, c'est Fabien. Tu m'emmerdes, là. Bah, écoute-moi, Fabien. Oui, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Tonton, il t'emmerde. Ah, oh, bah, c'est pas gentil, tonton. C'est comme ça. Tonton, bonjour. Ouais, tonton, tu me reconnais? C'est Fabien. Oh, putain. Dis-moi, tonton, est-ce que je peux te chanter une chanson? Mais casse les murs. Ah bon? Mais tu veux pas que je te chante ma chanson? Non, chante à ta mère, sois contente. Je la chante à maman? Vas-y, chante à ta mère. Bah, attends, quitte pas, tonton, hein. Tonton, si t'es champion. Et toi, t'es le champion des cons, là, là, là. Je connaissais pas cette farine, non. Fabien Feuillèche. Fabien Feuillèche. C'est le bas tonton, mais c'est pas ton tonton. Donc c'est ton tonton, mais c'est pas ton tonton. Oh, putain. Fabien Feuillèche qui revient évidemment demain aux alentours de 7h40. Coralie, on continue à parler de notre sujet du jour aujourd'hui, les cocktails de l'été. On a évidemment tous et toutes des petites affinités comme ça, notre cocktail coup de cœur. Toi, rappelle-nous, c'était le Sex on the Beach. Le Sex on the Beach, très très bon. On parlera également des mojitos dans un instant, car c'est le cocktail qui fait fureur en France et qu'on adore tous et toutes ici en Belgique. Vous avez envie de partager avec nous le cocktail. J'en perds mes mots, pourtant je n'ai pas bu. Le cocktail qui vous fait rêver, qui vous fait penser aux vacances lorsque vous en buvez un. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission Summer Fun. On revient dans un instant. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Il a trouvé une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un iPhone 6S à seulement 99€ avec un abonnement Smart Plus Phone 45. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Chérie, t'as mis le réveil? Oui, 4h du matin. Oh, génial. Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. Je viens d'acheter une télévision chez Vandenborg. Et vous savez quoi? Je peux encore retourner chez eux pour un conseil, une question ou en cas de problème après mon achat. Ils peuvent même m'aider par téléphone. Et si ça ne marche pas, Vandenborg viendra chez moi. Et si ma télé doit aller en réparation, je reçois un appareil de remplacement gratuitement. Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Moi, j'aime bien les raisins blancs. Eh bien, notre bon raisin blanc bien sucré vient tout juste d'arriver d'Italie. Un petit. Oh ouais, il est délicieux chagrin, une explosion de bonheur dans la bouche. Mais son prix ne fera pas exploser votre budget. Oh, c'est beau, monsieur Marc. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos superbes raisins blancs italiens en vrac sont à seulement 2,39€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Du soleil. La plage. La playa. Et tous vos tubes préférés. Je vous adore. Fun Radio. Le son Dance Floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. Roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale. On était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Paris, Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. C'est du 100% belge que je vous réserve dans un instant à 7h48. Le DJ Alec Jarvis, Sweet Afterglow, vous l'avez découvert ici sur Fun. Et c'est ce que je vous offre dans quelques secondes côté son dance floor. Le principe de l'anniversaire du jour, Coralie, on fête votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche en direct à l'antenne. C'est quand même pas mal comme cadeau. On a Maxime qui est avec nous par téléphone. Il habite Namur et il a 27 ans aujourd'hui. Salut Maxime. Salut à tous. Comment ça va ce matin? Tranquille, je termine ma nuit là. Ah, tu termines ta nuit, ah. Bah justement, tu la passes avec Summer Fun, c'est génial. Et Maxime, eh bien, tu vas aujourd'hui fêter l'anniversaire d'Elodie. C'est qui Elodie? C'est ma femme. C'est ta femme. Ah. Donc on va appeler Elodie. Tu as 33 ans ce matin. Qu'est-ce que tu lui as prévu comme cadeau, Elodie? Elle a juste 32 par contre. 32, ah. Pardon. Dans la vieille, ça on va. Allô? Salut Elodie, comment ça va ce matin? Ça va. On a quelqu'un avec nous par téléphone. Maxime est avec nous. Merci. Bonjour mon cœur. Bonjour mon cœur. C'est juste pour te souhaiter devant tout le monde un bon anniversaire et te dire que je t'aime. Merci, c'est gentil. Et toute notre équipe Elodie se joint à moi pour te souhaiter un bon anniversaire. Merci. 32 ans, ça se fête évidemment. Qu'est-ce que tu as prévu de beau Elodie pour passer cette journée? Là je vais aller travailler. C'est très bien, c'est déjà bien. Ouais. Et après une petite soirée, des cocktails de l'été pour pouvoir se décontracter. Ah ben ça il faut que je voie avec mon mari alors, mais oui. Et est-ce que vous avez tous les deux les amis peut-être un cocktail idéal, le cocktail qui vous définit pour nous en faire profiter ce matin? Dites-moi. Il faut lui demander ça, parce que Maxime. Je sais pas. Pour ma part, pour tous ceux qui se reconnaîtront, un bon Mariamam. C'est bon verre de Jack. Ah oui, c'est bon ça. Et à la place de mettre du coca, mettez du Coca Light. Mais ça doit être super fort, non? Comme cocktail. Non, c'est bon. Non, mais pas trop de whisky, tout simplement. Ah, tout est dans la dose, c'est ça. Les amis, je vous fais des bisous. Passez une excellente journée. Encore un bon anniversaire merci à toi, Elodie. Merci. À très bientôt. Des bisous. Vous aussi. À bientôt, merci. Vous aussi, vous avez envie de fêter l'anniversaire d'un proche à l'antenne et faire voilà une petite déclaration d'amour le matin sur Fun Radio. Comment ça se passe? C'est très simple. Pour

total lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss, feeling like a kid again. Total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss. Kid again, total lots of bliss. Laisse ton explore continue dans quelques petites secondes. Avec Boosty, Amir, Madden et The Chainsmokers, c'est Daya sur Fun. Fun Radio. Il est 8h03, debout tout le monde. On s'informe en ce jeudi 18 août 2016 avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. C'est la rentrée pour les ministres wallons. Aujourd'hui aura lieu le premier conseil des ministres à Namur. Au programme, la confection du budget 2017 avec de nouvelles économies en vue d'un retour à l'équilibre en 2018. Dans la même veine, le gouvernement wallon pourrait aussi s'atteler dans les prochaines semaines à son propre tax shift. On évoque notamment la modification, voire la suppression de la télé-redevance qu'il faudrait dès lors compenser. Deuxième dossier délicat qui focalisera l'attention à la fin d'été, la réforme des allocations familiales. On devrait se diriger vers un montant identique pour chaque enfant et donc une allocation augmentée pour le premier bébé de la famille. Le gouvernement entend finaliser ses dossiers après avoir reçu les résultats d'études au mois de septembre. Et nouveauté à la rentrée pour les jeunes enseignants, chaque école devra désigner un référent, soit un enseignant de 5 ans d'expérience, pour accompagner un jeune enseignant. Le décret prévoit que les directions organisent avec l'ensemble de l'équipe éducative durant les 15 jours de la prise de fonction un dispositif d'accueil, dispositif qui comprend notamment la désignation d'un référent pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement. Le cabinet de la ministre de l'enseignement Marie-Martine Chin s'annonce en outre qu'une formation a été prévue pour les référents car, je cite, on ne coach pas un jeune collègue comme on enseigne à un ado, fin de citation. Et les étudiants en médecine en cours d'études ne savent pas s'ils pourront exercer leur métier, ils sont tabous et le font savoir. Un sit-in est prévu devant le cabinet de Maggie Debloc à l'occasion d'une rencontre entre la ministre fédérale de la Santé publique et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt. Les représentants des étudiants veulent être reçus par la ministre fédérale. Ils revendiquent à nouveau la révision des quotas d'accès aux études de médecine, l'octroi de numéros INAMI à tous les surnuméraires qui bénéficient cette année d'un accès surprise à la Bac 2, ainsi que l'octroi d'un INAMI à tous les étudiants qui sont déjà engagés dans des études de médecine. Et enfin, une info un peu plus légère pour clôturer ce flash, que feriez-vous avec 88 millions d'euros? Pourquoi pas envisager par exemple l'achat d'une nouvelle maison? Eh bien, c'est ce qu'a fait l'homme d'affaires et milliardaire Darren Metropoulos, excepté que la maison sur laquelle il a jeté son dévolu est tout simplement le célèbre manoir Playboy. Il s'agit cependant d'une vente en viager, ce qui signifie que l'ancien propriétaire Hugh Hefner, 90 ans et créateur du célèbre magazine, pourra continuer à y vivre jusqu'à son décès. Fun Radio.

en bon anniversaire à eux en tout cas. Puis vous aussi, vous avez envie qu'on souhaite votre anniversaire à l'antenne. Et c'est très simple, vous inscrivez par SMS en envoyant Anif. Coralie, on a du cadeau pour vous cette semaine. On vous envoie du côté de du wave karting à la mer du Nord. Oui, pour, à Nieuport, pour venir avec toute la team de fun faire du wave karting et profiter donc d'une journée avec nous. Pour ça, c'est très simple, vous envoyez mer par SMS 6322, c'est 1 euro par message. Bonne chance à vous, on appelle l'un d'entre vous dans quelques petites secondes pour bien vous offrir vos deux premières places pour aller tester le wave karting. Avant ça, c'est Boosty qui arrive sur Fun Radio dans un instant, ainsi que Madden et Golden Light. Soyez les bienvenus, il est 8h11 sur Fun. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Sur Fun Radio, bon réveil, Boosty, Feel Alone, c'est un de mes coups de cœur du moment et je vous le partage dans un instant. Et juste avant, la roue au cadeau a tourné, on a Geoffrey qui est avec nous par téléphone, il a 30 ans, il habite Liège. Salut Geoffrey. Salut, comment, ça va bien? Bah écoute, très très bien, et toi? Ça va super. Qu'est-ce que t'as prévu de beau pour cette journée de jeudi? Je bosse, c'est pas le choix. Tu travailles dans quel secteur? Je travaille, je suis chauffeur en fait. Chauffeur. Ah bah donc voilà, ouais. tu peux écouter le son Dance Floor toute la journée grâce à ça. Voilà, c'est ça. C'est quand même pas mal. Geoffrey, tu nous envoies un petit SMS au 6322 avec le code mer. Et bonne nouvelle pour toi, tu repars avec tes entrées pour le wave karting. Bravo! Ah, c'est super gentil, c'est cool, ça me fait plaisir. Tu vas pouvoir aller faire le plein de sensations fortes à la mer du Nord, Coralie. Oui, tu pourras accompagner toute l'équipe de fun faire du wave karting, donc faire du bateau à grande vitesse à plus de 60 km/h, profiter du beau paysage qu'offrait la mer du Nord aussi, et puis passer du bon temps avec toute la team. Des bisous, ah, Geoffrey. Super. À très bientôt, excellente journée à toi. Bisous. Merci beaucoup, bonne journée. Et on a encore des places à vous offrir tout à l'heure aux alentours de 9h15. Et pour vous inscrire, vous envoyez mer par SMS au 6322, on fera le tirage au sort donc vers 9h15. Et n'oubliez pas, vous pourrez venir avec la personne de votre choix et passer toute la journée avec les équipes de Fun Radio. Ça c'est quand même le meilleur quand même, c'est qu'on puisse s'amuser ensemble. Samy était avec nous ce matin à 8h14. Salut. voilà. Je t'ai regardé, c'était voilà le bonheur, la connexion, c'est comme ça. Bah ouais, je peux pas, j'ai piscine, hein. On a testé hier, on avait un peu de mal après à rentrer. Oui. Samy, en tout cas, on va parler avec toi de plein de bonnes choses aujourd'hui, notamment, ouais. Eh bien, de comment, bah voilà, comment se réveiller. Voilà, maintenant. Justement, ça va peut-être vous servir dans l'équipe. Ça va nous servir dans l'équipe, effectivement. Plein de petits bons plans pour se réveiller le matin, c'est ce qu'on va voir avec toi avec les bons plans de l'été dans quelques secondes. Et côté Sun and Floor, c'est Amir et j'ai cherché qui arrive dans quelques petites secondes. On aura également Martin Solveig et Do It Right. Et puis on continue à parler évidemment du sujet du jour. Quels sont les cocktails préférés? Quels sont vos cocktails préférés? Ceux qui sont indispensables à boire durant l'été. On en parle jusqu'à 9h. Avant ça, à 8h15, c'est Boosty qui arrive sur Fun Radio. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water.

À 8h37 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. La journée démarre avec Kung, c'est Teasy Girl dans quelques secondes. Le temps pour nous d'appeler Blaise qui a 25 ans, qui habite du côté de Mons. Salut Blaise. Salut. Comment tu vas bien ce matin? Ça va très bien et toi? Mais écoute, très très bien, on démarre la journée ensemble en mode dance floor, alors c'est génial. Je t'appelle parce que tu as reconnu effectivement l'extrait du jour. On va réécouter la modification, écoutez. Duo très connu qui s'est fait connaître avec ce titre. Est-ce que tu avais la bonne réponse? Ouais, je crois, c'était Michael Moore et Ryan Lewis. Trip Shop. Eh, bonne réponse, bravo, c'est gagné, on t'envoie à tes places de ciné à la maison. On va c'est écouter fair, la correction merci. En même temps. Ah. Eh, félicitations Blaise, allez, à l'aise Blaise, il fallait la faire, comme ça on l'a fait ce matin. Je te fais des voilà. bisous et puis à très bientôt du côté de Mons en plus dans le Hainaut. Un grand merci, bonne journée. À très bientôt, bonne journée Blaise. Vous avez vous aussi envie de jouer avec nous, pas de panique. Des cadeaux et des concours, on en a tous les jours pour vous dans Summer Fun. On aura également évidemment pour vous eh bien, des concours sur la page Facebook de l'émission. Parce que dans quelques instants, on va appeler l'Eurospace Center de Belgique, logique, pour nous parler évidemment de tout ce qu'ils ont à faire à la rentrée. Ce sera l'idée de sortie du jour. On aura également avec toi Samy eh bien, comment aimer se réveiller le matin. Est-ce que tu as un indice peut-être pour nous expliquer comment ça va se passer? Non. Donc moi je garde que des surprises. Tu gardes que des surprises. Ouais. Par exemple, moi j'ai un très bon conseil. Comment se réveiller le matin? Eh bien en écoutant simplement le son dance floor, non? Ah ouais, c'est vrai. T'as raison. C'est aussi un bon exemple pour bien démarrer la journée correctement. Et puis autant démarrer à l'écoute de Fun Radio et surtout de Summer Fun. Dans quelques secondes, j'ai pour vous un petit Jonas Blue avec Perfect Strangers. On n'a pas bu, on vous promet. On parle des cocktails ce matin, mais nous n'avons pas bu. On vous le promet. On continue à lire vos SMS d'ailleurs parce qu'on en a reçu pas mal concernant les cocktails de l'été. Quels sont vos coups de cœur au niveau cocktail? Eh bien, on les lit dans un instant. Juste avant, c'est Kung, c'est Teasy Girl sans Fun à 8h39. bonne humeur nous envahit comme tous les matins sur Fun Radio à 8h42. Dans quelques petites secondes, c'est Jonas Blue et Perfect Strangers qui arrivent. Et juste avant, on parle des bons plans, les bons plans de l'été avec toi Samy. Aujourd'hui, tu vas nous aider à aimer le réveil. Tout à fait. Alors souvenez-vous, la semaine passée, je vous disais comment rattraper ses heures de sommeil. C'est vrai. Pour la rentrée. Et comme le concept était pas mal, il n'y a pas de raison de pas continuer sur cette lancée. On continue donc le kit exclusif comment réussir sa rentrée avec se réveiller le matin. Et surtout que ça peut aussi nous aider nous dans l'équipe. Hein, parce qu'on n'est pas des leftos, donc ça peut évidemment conseiller et aider tout le monde. Pour bien se réveiller, il faut évidemment avoir bien dormi, je pense. Non. Et oui, malheureusement, les étudiants manquent de sommeil, c'est un fait avéré, mais on oublie souvent la grasse matinée, c'est pas souvent une bonne alternative. Pour avoir un sommeil vraiment complet, vraiment réparateur, il faut aller au lit avant 23h30. Et surtout, un bon conseil aussi, c'est ne pas consulter son smartphone. Une heure avant d'aller se coucher, il faut ne pas consulter son smartphone pour ne pas avoir le cerveau excité. Donc, entre deux soirées étudiantes, ne résistez pas à l'appel de votre couette qui s'ennuie tellement quand vous n'êtes pas là. La pauvre. On peut également, peut-être pour ne pas être à la bourre le matin et se dépêcher, préparer tout ce qu'on doit préparer, son sac, son petit déjeuner. Rien de pire que de se lever et de naviguer dans un appartement en désordre. On est vite découragé de devoir ranger avant de pouvoir aller manger, donc on perd du temps. Alors pour éviter ça, le soir, vous faites place nette, vous clinez un peu la chambre, vous préparez la table et quand vous vous réveillez, tout est rangé. Magie. Et votre petit déj vous attend sur la table, ça met directement bonne humeur. Ça, c'est tellement vrai. Quand t'es pas à la bourre, à dire purée, il est 47, je pars à 48, et tu dois composer complètement ton sac, tu te dis que finalement, tu as bien fait de faire ça la veille. C'est vrai. Et puis, est-ce que peut-être il y a des petites choses à faire le matin, à boire ou à manger pour réveiller? Mais boire de l'eau. Donc, par exemple, on dit que le café, ça réveille. Je peux vous dire que moi, quand j'ai la tête un peu. Dans le cul, le matin, le café, ça donne juste mal à la tête. Donc, c'est un excitant, le café, de toute façon. Tout à fait. Alors comme la nuit, le corps se déshydrate, vous buvez un verre d'eau au réveil et je vous jure que ça marche, j'ai essayé, on se sent plus réveillé après. Mais c'est comme une bouffée d'air frais, plus un verre d'eau, ça permet de se réveiller. Voilà quelques petits conseils, quelques petites clés qui vont vous aider. Et bien vous réveillez, puis Samy, moi j'en ai la meilleure quand même. Ouais. On se branche au son Explore, sur Fun Radio pour évidemment se réveiller dans la bonne humeur avec le sourire et avec le meilleur qui arrive d'ailleurs dans quelques instants, Armin Van Buuren, Jennifer Lopez et même Jonas Blue. Merci beaucoup Samy, on te retrouve demain pour l'agenda du week-end. D'ici là, et c'est les meilleurs qui arrivent, on a encore plein de surprises et plein de cadeaux pour voir. Reste bien tout près de nous, à tout de suite. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Comment bien manger? Quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges. Super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claudes bien sucrées. Et les présidents. Idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à dormir. Mais lève-toi alors. Yes! Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais de votre supermarché. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, même que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Mi amor, favor, mi

nerves. Oh yeah, yeah, yeah. Stop getting on my nerves. Oh yeah, yeah, yeah. You still trying to ride this train. Oh yeah, yeah, yeah. Some things have gotta change. Fassiez pour le moment, vous avez choisi Fun Radio pour vous réveiller et c'est une très bonne chose car dans quelques secondes, c'est le DJ Armin Van Buuren qui arrive sur Fun. Et c'est juste après ça. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et une idée de sortie plutôt originale qu'on vous fait part aujourd'hui avec Yvon Fontaine. Salut Yvon. Ouais, salut. Comment ça va bien ce matin? Ouais, ça va très bien. On parle avec toi aujourd'hui de l'Eurospace Center. Alors en quelques mots, comment pourrais-tu décrire ce centre de découverte de loisirs à nos auditeurs? Alors, c'est un centre effectivement de découverte et de loisirs, mais basé sur l'espace. Alors ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est intéresser voilà, les jeunes, les moins jeunes, à l'univers, à la conquête spatiale. Mm-hmm. Et donc on a toute une série d'activités, voilà, en intérieur, en extérieur. Il y a le parcours de visite, évidemment. Il y a aussi l'expérience du moonwalk et du marswalk avec casque Oculus. Il y a un jeu de rôle sur tablette, donc en extérieur, où vous pouvez incarner différents personnages. Et puis, il y a aussi, évidemment, on est reconnu pour tout ce qui est stage pour les jeunes. Et je me rappelle aussi une fois où j'ai pu y aller, où il y a aussi des projections de films où on reçoit des éclaboussures d'eau dans le visage. Il y a ça, non? Alors, c'est pas vraiment les éclaboussures d'eau dans le visage, mais donc on a effectivement un film, on appelle 5D, puisqu'on a notre image avec les lunettes 3D, puis on a les sièges qui bougent, et alors on a du vent, en fait, voilà, des turbines, hein, qui reproduisent un petit peu, alors c'est au décollage de la navette spatiale. En tout cas, c'est très très drôle, et c'est attesté du côté de l'Eurospace Center. La rentrée approche, c'est bientôt ici, la rentrée de septembre 2016. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté ou comme activité à proposer? Alors pour la rentrée ici 2007, voilà, c'est plus alors axé sur les écoles aussi, le public de tous les jours. Donc c'est vraiment la visite du parcours spectacle et c'est le nouveau jeu interactif, donc avec les tablettes en extérieur. Ah oui, c'est pas mal en tout cas. Et un site internet peut-être ou une page Facebook sur laquelle on peut retrouver des infos? Voilà, donc il y a la page Facebook Eurospace Center et puis il y a également toutes les infos nécessaires sur le site internet, donc www.eurospacecenter.be. Merci beaucoup Yvon, à très bientôt et puis excellente journée à toi. Merci à vous. Toutes les infos de l'Eurospace Center sont à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. Vous avez vous aussi pourquoi pas des idées de sortie ou même des cocktails de l'été à nous conseiller ce matin? On vous lit par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. C'est juste après Armand Van Buuren sur Fun. Holding up to the best days.

degrés. À midi, c'est Carlo qui vous informe. Moi, je vous retrouve demain dès 6h. Et tout de suite, c'est Ira Istrefi sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chit to dun, dun, dun. Sur Fun, soyez les bienvenus. Liam Summer, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes côté son dance floor. Le temps de vous rappeler qu'on vous invite à l'avant-première du film Le Correspondant, le tout nouveau film de Jimmy Labeu qui franchement va être une tuerie. Rien que la bande-annonce, elle s'annonce déjà exceptionnelle. On vous offre d'ailleurs les places pour aller à l'avant-première. Ce sera le 23 août prochain à l'UGC Toison d'Or. Pour tenter votre chance, vous envoyez dès maintenant le code CINÉ, C-I-N-E par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et vous saurez immédiatement dans la seconde si vous remportez vos places ou pas, puisque vous recevez un petit SMS de confirmation. Coralie, on avait des places également à vous offrir pour partir essayer le wave karting. Oui, le wave karting, qui est ce gros bateau qui ressemble un petit peu à un jet ski, qui va vous permettre de monter à plus de 60 km/h à la mer du Nord. Ça se passe du côté de Nieuport. Et en plus de ça, on pourra vous accompagner. Vous serez en compagnie de toute la team de Fun. Donc c'est vraiment un beau cadeau qu'on vous offre. Vous envoyez mer par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Et on appelle là en l'une d'entre vous dans quelques petites secondes. Juste avant, on a eu plein de réactions concernant le sujet du jour. On vous demandait quels étaient les cocktails de l'été les plus branchés. Quels sont ceux qu'on a, on va pouvoir nous ici tester à la radio. Alors on nous dit le Black Russian, le Bellini, l'After Sex, le punch d'été, le mojito, évidemment le mojito, surtout le mojito fraise. Ah, mojito fraise, mais exceptionnel. On a Lloyd qui d'ailleurs est avec j'adore. Nous, qui va reprendre l'antenne après. Toi, les mojitos, c'est ton truc. Mojito fraise, vraiment mojito fraise, j'adore. Et le, tu parlais de pastèque aussi. Ouais, tout, en fait, tous les goûts de mojito. Parce qu'on peut effectivement le modifier à l'infini. Ouais, et sinon, on nous dit aussi un petit whisky irlandais avec citron vert, des feuilles de menthe et du Canada Dry plus de la glace. C'est trop trop bon et c'est Sophie qui nous a envoyé ça par SMS. Ça doit être à essayer en tout cas. Merci beaucoup Sophie. On a Nicolas qui est avec nous par téléphone. Il habite, lui, il a 36 ans. Salut Nico. Salut. Comment ça va bien ce matin? Bah écoute, génial, on démarre la journée ensemble et en mode dance floor. Qu'est-ce que t'as prévu pour cette journée, dis-moi? Ah bah écoute, je vais passer une formation pour un futur emploi. Ah bah écoute, j'espère que ça se passera bien. On croise les doigts pour toi ici dans l'équipe. On a une bonne nouvelle pour toi mon Nicolas ce matin. On t'envoie du côté de Nieuport pour repartir avec les places de webkarting. Bravo. Ouais. Super, franchement c'est génial. On t'envoie tout ça du côté de Wii. Plein de bisous à toi, excellente journée. Et puis si vous aussi vous avez envie de tenter votre chance de repartir avec ces places Coralie, il y en a encore à offrir tout à l'heure entre 17h et 20h. Dans ce que du fun ce soir, vous pourrez aussi tenter de repartir avec vos entrées. Ils font un tirage au sort entre 17h et 20h comme Anto l'a dit. Pour ça vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Demain on parle des jobs étudiants en Corée dans l'émission. Quels sont les jobs les plus originaux à faire quand on est étudiant, encore les plus courants, parce que oui, beaucoup d'ados ne font pas de job étudiant et pourtant c'est tellement génial de bosser. On en parlera demain entre 6h et 9h dans l'émission. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, venez liker la page, envoyez-nous des messages, on les lira demain tout au long de l'émission. Et sinon, sur le Snapchat Fleurus Radio pour suivre tous les coulisses. Excellente journée à vous les amis, je vous laisse en compagnie de Lloyd. Très bonne compagnie Lloyd, évidemment. Bonne journée à toi Anto. À demain. Jusqu'à 13h sur Fun Radio. Milo, Nina Sky dans un instant et aussi Liam Summer sur Fun Radio. Memories on my mind. Fun Radio. Right.